Ça fait 3 heures que je t'écoute dans mon caleçon. C'est Beyrouth, il fait très chaud. C'est le mois d'août à la soif de ta bave. Ma biloute, j'ai 3 enfants, 2 femmes différentes. Je suis fonctionnaire, j'aime pas les gens qui mentent. J'ai pas de chat, j'ai pas de chien, mais chez les autres, je trouve ça bien. Je plonge dans ton décolleté, j'imagine la forme de tes seins. Je me vois en train de les lécher, de les prendre en pleine main. En pleine main. Tu as 2 enfants, le père est parti, se déconcertant. C'est père qui s'enfuit, tu aimes les films romantiques, te baigner nu dans de lointaines criques. Tu me racontes tes vacances à la neige. Dans ma tête, je monte des arpèges. J'ose pas te dire que je m'en fous, que j'ai envie de t'embrasser dans le cou. J'aime la silhouette de tes cuisses, que j'ai envie de mordre comme des saucisses. Que j'ai envie d'écarter doucement et sentir le fruit de mes tourments, de mes tourments. L'hiver tu cours sur la corniche. Une fois ton chien est parti de sa niche. Si t'as vraiment rien à raconter, ferme la et viens plutôt la sucer. J'étais juste venu pour baiser, qu'on arrête toutes ces simagrées. Défais ta robe, baisse ta culotte, qu'on passe un joli mois hot. Joli mois.